إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence le cours de Umdatul Ahkam, explication de Umdatul Ahkam avec le sharh de Sheikh Al-Bassam. Et on est arrivé, on est toujours dans le Kitab al-Salat, et on lit maintenant le hadith numéro 45. الحديث الخامس والأربعون عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ولا يعرفهن أحد من الغلس. رواه البخاري ومسلم. وقال المروط أكسية، يعني أكسية معملة تكون من خز وتكون من صوف، من خز وتكون من صوف، و يعني ملتفعات أو متلفعات. نعم، متلفعات أي ملتحفات. والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. Donc on va expliquer le hadith. Et c'est un hadith qui est rapporté selon Aïcha radiallahu anha. Et le hadith dit que Aïcha radiallahu anha, elle dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il priait salat al-fajr et des femmes venaient faire la prière de fajr également avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyantes. Les croyants et les croyantes, ils venaient faire salat al-fajr. Et il décrit que les femmes croyantes venaient enveloppées dans leurs vêtements, hein, enveloppées dans leur couverture, dans le vêtement qu'elles utilisaient pour se couvrir. Puis elles revenaient vers leur maison après la prière et on ne pouvait pas les distinguer à cause de la pénombre, à cause de la noirceur. Et c'est donc rapporté ce hadith par Al-Bukhari et Muslim. Et dans le hadith, il y a des termes qui sont employés comme Al-Murut. Et Al-Murut, c'est un genre de vêtement que les femmes portaient et qui était fait parfois avec de la laine ou bien d'autres matériaux, et elles s'enveloppaient avec. Et le terme qui est utilisé pour dire qu'elle s'enveloppait avec, c'est le terme mutalaffi'at, c'est-à-dire multahifat. Ça veut dire le fait de s'enrouler ou de s'entourer, de s'envelopper de ce vêtement-là. Comme on s'enveloppe avec le djilbab ou avec, il y a d'autres, il y a des exemples de longs manteaux, longues couvertures avec lesquelles les femmes se couvraient. Et al-ghalas, c'est le mélange de la lumière de l'aube et de la noirceur de la nuit. Donc, quand l'aube commence à naître, hein, on voit qu'il commence à faire de plus en plus clair, mais il reste encore un peu de noirceur ou d'obscurité. Donc, c'est ça ce qu'on appelle en arabe al-ghalas, un mélange de clarté et de noirceur ensemble. Et gharib al-hadith, يعني معملة أو معلمة معلمة بفتح اللام وتشديدها معلمة والغلس بفتح الغين المعجمة واللام ومرطهن المرط أو المرط كساء مخطط بألوان وزاد بعضهم أنها مربعة. ومتلفعات يعني متلففات أي غطين أبدانهن ورؤوسهن. Donc, ça c'est pour dire que les manteaux, il dit c'est comme on a dit tout à l'heure, al-mirat, al-mirat et al-murut, c'est des vêtements, c'est un vêtement que la femme utilise et elle s'enveloppe son corps avec, elle couvre son corps avec ainsi que sa tête, comme le djilbab. Hein? Et le sens général du hadith, al-ma'na al-ijmali, yani tadhkuru Aisha radiyallahu anha, anna nisa' al-sahaba, kunna يعني يلتحقن بأكيستهم ويشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن بعد الصلاة إلى بيوتهن وقد اختلط الضياء بالظلام إلا أن الناظر إليهن لا يعرفهن لوجود بقية الظلام المانعة من ذلك. Donc ici, Aïcha radiallahu anha, elle mentionne que les femmes des sahaba, elles venaient à la prière et elles étaient enveloppées dans leurs vêtements, dans leur manteau, dans leur djilbab, et elles venaient pour faire salat al-fajr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et prier derrière lui. Puis elles retournaient après la prière dans leur maison et il y avait encore un mélange de clarté et de noirceur. Donc, excepté que la personne qui regardait, il allait peut-être voir les femmes, mais il ne pouvait pas les distinguer à cause de la noirceur qui empêchait de voir clairement. Et à ce sujet, il y a donc la question de la divergence des ulama au sujet du meilleur temps pour faire salat al-fajr. Il dit, اختلف العلماء في الأفضل في وقت صلاة الفجر فذهب الحنفية إلى أن الإسفار بها أفضل لحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر قال الترمذي حسن صحيح وذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة إلى أن التغليس بها أفضل لأحاديث كثيرة منها حديث الباب. Donc, premièrement, le cheikh il explique que les ulama ont divergé au sujet du meilleur temps pour prier salat al-fajr. Et al-Hanafiya, eux, ils ont pris la position que c'était mieux d'attendre qu'il commence à faire un peu plus clair. Et ils se sont basés sur le hadith qui dit Asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Et At-Tirmidhi a dit que c'était un hadith hasan sahih. Donc asfiru, c'est-à-dire attendez qu'il fasse plus clair pour le fajr. Eux, c'est comme ça qu'ils ont compris le hadith, que ça voulait dire attendez qu'il fasse plus clair pour le fajr, parce que ça augmente la récompense. Tandis que les autres ulama, le jumhur, la majorité des autres ulama, parmi eux les trois madhahib, yani le madhhab al-Maliki, le Shafi'i et le Hanbali, eux ils ont dit que c'est mieux au contraire de prier quand il y a encore un peu de noirceur, et que ça c'est un temps qui est meilleur. Et il se base sur plusieurs hadiths, et parmi les hadiths qu'il mentionne, il y a le hadith de ce chapitre. Il dit wa ajabu an hadith asfiru bil fajr ila akhirih bi ajwibatin kathira wa ahsanuha jawaban al-awwal fa imma an yuradu bil amr bil isfar tahaqquq tulu' al fajr hatta la yata'ajjalu fa yani يوقعونها في أعقاب الليل ويكون يعني أفعل التفضيل الذي هو أعظم يعني جاء إلى على غير بابه وهو يأتي لغير التفضيل كثيرا وثانيا إما أن يراد بالإسفار إطالة القراءة في الصلاة فإنها مستحبة بإطالة وبإطالة القراءة لا يفرغون من الصلاة إلا وقت الإسفار. Donc le cheikh dit que en ce qui concerne le hadith asfiru bil fajr, ils ont rapporté plusieurs façons de répondre à ce hadith par rapport aux Hanafiya, ceux qui disent que il faut attendre qu'il fasse plus clair. Et vous remarquez que dans les mosquées où les gens sont des ahnaf, ils suivent le madhhab al-hanafi, ils retardent la prière de fajr, comme ils retardent également la prière de asr, hein? Et dans ça ils contredisent la majorité des ulama. Et donc il y a deux façons de répondre à ce hadith là, ou clarifier leur position par rapport à ce hadith, mais les meilleures réponses sont les deux suivantes. Hein, comme le cheikh il le dit, la première c'est que qu'est-ce qu'on veut dire par l'ordre de al-isfar ici, c'est de vraiment prendre le temps de réaliser est-ce que l'aube est née ou non, de vraiment confirmer que c'est le moment de l'aube qui est rentré, et de ne pas se précipiter à prier tout de suite alors que peut-être que la nuit n'est pas encore terminée et que le terme ce serait pas dans le sens de plus grand, mais dans un autre sens. Et il dit ça arrive souvent dans la langue arabe. Donc ça c'est une des réponses. Et l'autre réponse, et c'est celle qui semble être la plus évidente et la plus claire, c'est que qu'est-ce qu'on veut dire par al-isfar, c'est de prolonger la récitation de la prière de Fajr, et que ça c'est quelque chose qui est recommandé, parce que dans le fait de prolonger la récitation dans Salat al-Fajr, eh bien ça va faire en sorte que lorsque la personne va terminer sa Salat, eh bien il y aura un peu plus de clarté. Et donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Asfiru bil Fajr فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire dans le sens que quand vous faites la prière de Fajr, récitez le Coran plus longtemps, faites une prière avec une récitation plus longue, comme ça lorsque vous allez terminer, eh bien il va faire déjà clair, et votre récompense sera donc plus grande. Donc c'est la compréhension de la majorité des ulama par rapport à ce hadith. إذ وما يؤخذ من الحديث أولا استحباب المبادرة إلى صلاة الصبح في أول وقتها. C'est-à-dire qu'il est recommandé de se dépêcher à faire salat al-fajr Salat al-Subh ou al-Fajr, c'est la même chose, au début du temps. Et thaniyan, جواز اتيان النساء الى المساجد لشهود الصلاه مع الرجال وعدم خوف الفتنه مع عدم خوف الفتنه ومع تحفظهن من اشهار انفسهن بالزينه. Donc le cheikh il dit que il y a également comme chose qu'on peut tirer parmi les choses qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que يعني, les femmes peuvent venir à la mosquée pour prier salat al-fajr, mais c'est-à-dire que lorsqu'on craint pas qu'il y ait une fitna, c'est-à-dire qu'on craint pas qu'il y ait une fitna pour elles, et du moment qu'elles يعني, se préservent dans le sens qu'elles s'habillent d'une manière qui va pas faire en sorte qu'elles vont montrer leur parure ou qu'elles vont pas exhiber leur corps, puisqu'on voit que dans le hadith Aïcha radiallahu anha elle mentionne que les femmes étaient couvertes, hein, enveloppées dans leurs vêtements, donc elles ne laissaient rien paraître de leur corps. Et le hadith suivant, le hadith 46, An Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا يعني إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. Donc dans ce hadith il y a beaucoup de choses intéressantes et importantes. C'est rapporté selon Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il priait salat al-dhuhr bil-hajira. Donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire al-hajira. Al-hajira, c'est dans les termes qui sont mentionnés que le cheikh explique, al-hajira hiya shiddatul har ba'da az-zawal wa ma'khuzun min hajr an-nas a'malahum li shiddatil har. Donc al-hajira, ça veut dire la chaleur intense après le zénith, après que le soleil et atteint son plus haut point dans le ciel. Donc ça c'est le temps qu'on appelle al-hajira. Et c'est la chaleur à ce moment-là, parce que c'est un moment vraiment très très très chaud dans à midi, hein. Et on prend ce terme al-hajira, ça vient du fait que les gens à ce moment-là, ils abandonnent leur travail à cause de la chaleur intense. Donc ils cessent de travailler à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle al-hajira. Donc le hadith dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il priait salat al-dhuhr à ce moment-là, al-hajira. Puis la prière de al-asr, il dit wa shamsu naqiyya. والشمس نقية يعني صافية لم تدخل صفرة ولا تتغير لم تدخلها صفرة ولا تغير. Donc il priait la prière de Asr alors que le soleil était clair. Il n'y avait pas de changement dans la couleur du soleil à ce moment-là. Le soleil était encore vivant dans le ciel. Très clair. والمغرب إذا وجبت. والمغرب, il priait le maghrib, yani إذا وجبت, et وجبت ça veut dire yani سقطت وغابت yani الشمس. Donc ça veut dire lorsque le soleil dépassait l'horizon, hein, il se couchait, il disparaissait complètement derrière l'horizon. Donc à ce moment-là, il priait le maghrib. Et il dit ensuite wal isha ahyanan wa ahyanan. Tandis que salat al-isha, des fois il priait à tel moment, des fois à tel moment. Et il explique après qu'est-ce qu'il veut dire par là. Il veut dire que s'il voyait que les gens étaient venus et qu'ils étaient arrivés plus tôt, alors il priait l'Isha tout de suite à ce moment-là. Tandis que s'il voyait que les gens étaient là et qu'ils avaient pris du temps avant, ils prenaient du temps avant d'arriver, alors il retardait un peu. Tandis que Salat al-Subh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait alors qu'il faisait encore sombre, alors qu'il faisait encore noir. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit Al-Ma'na al-Ijmali, le sens général de ce hadith. يعني في هذا الحديث بيان الأفضل في الوقت لأداء الصلوات الخمس فصلاة الظهر حين تميل الشمس عن كبد السماء. Donc il explique que premièrement c'est un hadith qui mentionne les meilleurs moments pour faire la salat, chaque prière pendant la journée, les cinq prières, le moment qui est le mieux pour faire chacune d'entre elles. Et il dit que par exemple salat al-dhuhr, c'est lorsque le soleil commence à pencher après le zénith, c'est-à-dire après que le soleil ait atteint le plus haut point dans le ciel, et bien à ce moment-là le soleil commence à pencher un peu de l'autre côté, dans l'autre direction. Donc à partir de ce moment-là, c'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait salat al-dhuhr. Ensuite il dit wal asr تصلى والشمس ما تزال بيضاء نقية لم تخالطها صفرة صفرة المغيب وقدرها أن يكون ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. Donc le cheikh il explique que al-asr c'est يعني le temps que tu dois prier salat al-asr, c'est quand le soleil est encore blanc, c'est-à-dire il n'a pas encore été mélangé avec, il n'a pas commencé à jaunir ou à devenir orange comme au moment où il commence à se coucher. Et le temps de la prière pour savoir quand est-ce que c'est, il dit c'est lorsque l'ombre d'une chose est égale à sa longueur ou à sa hauteur. C'est-à-dire la longueur de l'ombre va être égale à sa hauteur après le zénith, après l'ombre du zénith. Et le zénith, on l'a dit déjà, c'est lorsque le soleil est directement en haut de nos têtes, au plus haut point, il passe cette position-là, puis il va dans l'autre direction. Donc, quand ton ombre devient la même longueur que ta hauteur, à ce moment-là, c'est le moment de prière, de la prière de Asr. Et à ce moment-là, le soleil est encore clair, encore blanc. Après, le cheikh, il explique par rapport au Maghrib, il dit « Tusalla waqta suqut ash-shamsi fi maghribiha ». C'est-à-dire que tu pries salat al-maghrib alors que le soleil descend derrière l'horizon et se cache complètement derrière l'horizon. Et il dit ensuite wa al-isha yura'a fiha hal al-mu'tammin fa in hadaru yani fi awwal waqtiha wa huwa zawal ash-shafaq al-ahmar sallu وإن لم يحضروا أخرها وإن لم يحضروا أخرها إلى ما يقرب من نصف الأول من الليل فإنه وقتها الأفضل لولا المشقة. Donc il explique pour que pour le Isha, le meilleur temps pour prier l'Isha, il dit que c'est après que le soleil se soit couché, après que les lueurs rouges soient disparues du ciel, hein, le meilleur temps de prier, c'est après ce moment-là, mais il faut tenir compte aussi de l'état des prieurs. C'est-à-dire que les gens qui viennent faire la prière, s'ils viennent plus tôt, c'est-à-dire exactement au moment après que la rougeur du ciel soit disparue, alors dans ce cas-là, c'est bien de prier au début du temps. Tandis que s'ils retardent et qu'ils viennent un peu plus tard, eh bien, ils peuvent le retarder jusqu'à la première moitié de la nuit. Il dit que ça, c'est le temps le meilleur, hein, le meilleur temps. Il y en a un peu avant la première moitié de la nuit. Il dit ça, c'est le meilleur temps. Mais, étant donné que c'est un temps qui est difficile pour les gens, alors, dans ce cas-là, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait pas tout le temps à cette heure-là. Mais il aimait prier à ce moment-là, salatul isha, c'est-à-dire un peu plus tard dans la nuit. Il dit, en ce qui concerne salat al-subh, eh bien, il dit... Ensuite, il dit وَأَنَّ صَلَاتَ الصُّبْحِ تَكُونُ عِنْدَ أَوَّلِ اخْتِلَاطِ ضِيَاءَ الظَّلَمِ. Il dit que en ce qui concerne la prière de subh, c'est au début du mélange de la lumière de l'aube avec les ténèbres. Ensuite, le cheikh il explique un point bénéfique par rapport à ça. Il dit يفهم من هذا الحديث أفضلية المبادرة بصلاة الظهر مطلقا ولكنه مخصص بحديث أبي هريرة إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه. وفي حديث خباب بن مسلم قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرمضاء ولم فلم يشكنا يريد أنهم طلبوا تأخير الظهر إلى وقت الإبراد فلم يجبهم وذلك لخشية خروج الوقت. Donc Cheikh il explique ici que on peut comprendre de ce hadith qu'il est mieux de prier salat al-dhuhr de façon absolue, yani, c'est-à-dire après aussitôt que le temps est rentré, que tu te précipites à faire salat al-dhuhr de façon générale. Mais il dit que ça c'est restreint par le hadith de Abi Huraira radiallahu anhu qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et qui dit que lorsque la chaleur est très dure, très sévère, alors attendez un peu, yani fa'abridu bis-salah. C'est-à-dire attendez que le temps soit un peu la chaleur soit un peu moins intense pour faire la salat, parce que la chaleur intense vient du souffle de l'enfer. Et dans un autre hadith qui est rapporté par Khabbab selon Muslim, il dit que ils se sont plaints au messager d'Allah à propos de la chaleur, la chaleur intense. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté leur demande à ce moment-là, parce qu'ils ont demandé pour retarder salat al-dhuhr vers un temps où il va faire plus frais ou moins chaud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté leur demande par crainte que le temps de la prière sorte. Il dit « وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ » Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith ? Il dit « أَوَّلًا أَفْضَلِيَةُ الْمُبَادَرَةِ بِالصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا مَا عَدَ الْعِشَاءِ » Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith ? Que c'est mieux de prier la salat au début de son temps, excepté salat al-isha. Deuxièmement, أَنَّ الْأَفْضَلُ فِي الْعِشَاءِ التَّأْخِيرِ ويكون إلى نصف الليل كما صحت به الأحاديث إلا إذا اجتمع المصلون فتصلى خشية المشقة عليهم بالانتظار. Donc il dit que qu'est-ce qui est mieux pour Salatul Isha, c'est de retarder jusqu'à ce que ce soit proche de la moitié de la nuit, comme c'est mentionné dans les hadiths authentiques, excepté si les gens se réunissent pour la prière et que ça devient difficile pour eux. Donc dans ce cas-là, ils prient après, ils attendent.